La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, apprendre, est-ce que cela peut s'apprendre ? C'est un coup du sort étrange, avait noté Wittgenstein. Tous les hommes dont on a ouvert le crâne avaient un cerveau. Ce constat que je cite souvent car il est difficile de le contester, nous oblige à nous demander quel rôle joue le cerveau dans notre rapport au monde, mais aussi dans la construction de nos connaissances sur ce qui nous entoure. Quels sont les outils, les instruments, les méthodes qui nous permettent d'apprendre, tout au long de notre vie, ce que nous finissons par savoir ? La connaissance, dès lors que nous constatons que nous sommes capables de l'acquérir et de l'accroître, devient manifestement une énigme, du moins si l'on accepte d'interroger ce qu'elle représente. Comment parvenons-nous à saisir et à organiser en nous-mêmes des informations qui proviennent de l'extérieur de nous-mêmes ? De quoi sont constituées au juste ce que nous appelons nos facultés cognitives ? Ces questions invitent à interroger notamment les neurosciences pour leur demander si elles parviennent à comprendre au moins un peu en quoi consiste le fait d'apprendre, de quel type d'opération s'agit-il, et aussi de leur demander si ce qu'elles apprennent pourrait nous permettre de mieux apprendre sur les bancs de l'école ou ailleurs. Pour répondre à ces questions, j'ai invité Stanislas Dehaene. Bonjour. Bonjour. Vous venez pour la deuxième fois à la conversation scientifique. Vous êtes professeur au Collège de France, titulaire de la chaire de psychologie cognitive expérimentale, membre de l'Académie des sciences, et surtout, vous présidez le Conseil scientifique de l'éducation nationale, et vous venez de publier un livre passionnant, un livre qui prend la tête, au sens propre du mot, et dont le titre est « Apprendre », avec un point d'exclamation, et comme sous-titre « Les talents du cerveau, le défi des machines ». Et dans ce livre, vous interrogez ce que votre science, les neurosciences, il y en a plusieurs, c'est un livre qu'on pourrait qualifier de multidisciplinaire, essaie de comprendre cet acte d'apprendre. Alors pour commencer, je voudrais que vous nous parliez d'un jeune garçon qui se prénomme Felipe, que vous avez rencontré à Brasilia, au Brésil, il y a quelques années, et qui a, à l'insu de son plein gré, orienté le cours de vos recherches. Oui, c'est un moment émouvant pour moi que je raconte au début du livre. Je collabore avec les hôpitaux Sara de Brasilia, qui sont des hôpitaux de rééducation neurologique. Et la directrice de l'hôpital me dit « Je voudrais te présenter un petit patient que nous avons chez nous depuis plus de 3 ans. » Il est à l'hôpital depuis plus de 3 ans. Et c'est un enfant de 7 ans maintenant. Il est arrivé à l'âge de 3 ans, 3 ans et demi. Et il a reçu une balle dans la rue, comme ça peut arriver au Brésil. Une balle perdue dans une favela. Il est tétraplégique. La balle a sectionné sa moelle épinière, elle a aussi sectionné le nerf optique, donc il est aveugle, et voilà, il est à l'hôpital depuis 3 ans. Alors, évidemment, je suis très ému, je me prépare, comme parfois dans notre métier, à voir un patient tout à fait brisé, et pas du tout. On rentre dans la chambre d'hôpital, et je vois un gamin, certes, allongé, essentiellement complètement paralysé, mais avec exactement tous les rêves de n'importe quel gamin, et un environnement neurologique remarquable, dans lequel les infirmières, les aides-soignantes, tout le personnel s'est occupé de développer la grande faculté qui restait chez ce gamin, c'est-à-dire l'imagination et le langage. Et ce gamin, charmant, me pose des questions sur la langue française, apprend des mots en français, je m'aperçois qu'il est trilingue, qu'il écrit des histoires, et voilà. La question qui est posée, c'est pas seulement de voir que le cerveau est plastique, on dit souvent ça démontre la plasticité du cerveau. Oui, mais pourquoi cet enfant a-t-il exactement les mêmes idées que tous les autres ? Il a vécu dans un environnement extraordinairement différent, avec un accès beaucoup plus restreint au monde en étant aveugle. Et pourtant, il a appris et conçu les mêmes idées que tous les autres enfants du monde, des idées que jamais aucun autre primate non humain, aucun singe n'aura. Il y a quelque chose de particulier dans le cerveau humain, qui est cette capacité de projeter des idées très universelles, parfois en l'absence même d'entrée sensorielle ou avec des entrées sensorielles très réduites. Mais Stanislas Dehaene, ça vous le saviez déjà? Donc en quoi cette rencontre a quand même créé chez vous une surprise ? C'est l'une de nombreuses rencontres de ce type qui vraiment pose question. Dans le livre, je parle aussi du cas de ces mathématiciens aveugles. Je trouve que ça, c'est un challenge. Oui, notamment vous parlez d'Emmanuel Giroud qui a démontré un théorème très important et qui est aveugle depuis l'âge de 11 ans. Oui, oui, et qui est venu au labo. On a pu scanner son cerveau, essayer de comprendre. Il fait de la géométrie en plus. Il fait de la géométrie. Alors, on se dit, mais c'est pas possible pour un aveugle de faire de la géométrie, mais pas du tout. Les structures cérébrales d'Emmanuel Giroud sont exactement les mêmes que les nôtres et il dispose de compétences abstraites, préexistantes, qu'il projette sur le monde extérieur et qui lui permettent de faire les mêmes mathématiques que n'importe quel être humain. Et en plus, ce qu'on a découvert, c'est qu'il utilise un morceau de son système visuel. Donc il a recyclé, il a réutilisé un morceau de système visuel qui, bien sûr, ne lui sert plus à voir, mais qui lui sert quelque part à voir les objets mathématiques. Vous parlez aussi d'un jeune garçon qui s'appelle Nico. Qu'un seul hémisphère, le gauche, qui fonctionne. Oui, voilà. Moi, j'ai appris qu'il y en avait deux, que chacun a une fonction bien spécifique, ils sont complémentaires en un sens. Oui, et puis vous savez qu'il y a toutes sortes de mythes à ce sujet. On dit, je suis plutôt hémisphère droit, toi t'es plutôt hémisphère gauche, les artistes sont l'hémisphère droit. Tout ça, ce sont ça tient pas. Beaucoup de mythes qui se propagent. Nico en est un excellent exemple. On a dû lui enlever tout son hémisphère droit, comme ça se fait parfois, pour des raisons de maladie, d'épilepsie souvent. Donc, il a vécu toute sa scolarité, toute son enfance, avec seulement l'hémisphère gauche. Et on s'aperçoit que il n'a pas eu de difficulté à apprendre toutes sortes de compétences, bien sûr, apprendre à lire, apprendre à parler, mais aussi, il est devenu un artiste. C'est un peintre. Je montre un certain nombre de ses peintures dans le livre, qui sont très belles. Et tout ça avec un seul hémisphère gauche. Quand on l'a scanné, on s'est aperçu que ce n'était pas non plus la désorganisation totale. Ce sont les mêmes circuits normaux qui se sont réorganisés de façon, on peut dire, contralatérale. C'est-à-dire que tout ce qui devait être à un certain endroit dans l'hémisphère droit se retrouve à l'endroit équivalent dans l'hémisphère gauche. Il y a donc à la fois une structure très forte du cerveau qui projette des notions sur le monde extérieur, et puis une frange de plasticité qui permet à ce système de se réorganiser, surtout dans l'enfance. La même lésion à l'âge adulte, la perte d'un hémisphère droit, serait évidemment bien plus dramatique chez un adulte. Mais Stasisa Dohan, pourquoi il faut apprendre ? Pourquoi est-ce qu'on ne naît pas complètement câblé avec à notre disposition toutes les connaissances qu'il nous faut pour vivre, enfin pour survivre en tout cas ? Je propose dans mon livre deux réponses à cette question. La première, c'est que ça ne serait pas possible. C'est-à-dire que le génome n'aurait pas suffisamment d'espace pour coder tout ce que nous finissons par savoir dans notre vie. Mais la deuxième raison, la plus importante je pense, c'est que même à génome constant, nous devons nous adapter à des environnements assez différents. Nous devons apprendre les plantes, les animaux, l'organisation de l'espace qui est autour de nous. Donc en fait, toutes les espèces animales, par exemple, apprennent à faire une carte de leur environnement qui diffère d'un individu à l'autre. Donc notre cerveau a évolué à la fois pour avoir des connaissances fortes, innées, dès le départ, sur des choses qui sont rigoureusement constantes. Par exemple, fort heureusement, on n'a pas besoin d'apprendre à voir ou apprendre à entendre. Notre cerveau dispose tout de suite des entrées appropriées et distingue les ondes électromagnétiques qui relèvent de la vision et puis celles beaucoup plus lentes qui relèvent de l'audition. Bon, ça c'est donné. On n'a pas besoin de l'apprendre. Mais par ailleurs, notre cerveau et l'évolution a internalisé notre cerveau des algorithmes d'apprentissage précisément dans les domaines, par exemple celui de la vision, dans lequel il y a beaucoup de choses à apprendre. Nous devons apprendre la nature même des objets, leur caractère agréable ou pas, la manière dont ils sont consommables ou pas. Donc toutes les espèces ont ce type d'apprentissage, elles en ont besoin. Et ce que j'essaye d'argumenter également, c'est que dans l'espèce humaine, ce goût d'apprendre, c'est important. L'importance de l'apprentissage a atteint une sorte de paroxysme. Je parle de la singularité humaine dans ce domaine. Nous avons la période de développement la plus longue de toutes les espèces, au moins jusqu'à 20 ans et bien sûr au-delà. Et nous avons surtout cette capacité de faire des découvertes. Des découvertes scientifiques en particulier, qui veut dire que nous avons une espèce de sagacité, je pense une sorte de machine universelle, dans le sens de Turing peut-être, une capacité universelle de décrire n'importe quelle régularité dans le monde extérieur. Ce qui nous a permis de quitter l'Afrique, il y a plusieurs millions d'années, en plusieurs fois, et puis d'envahir le monde, et finalement de ne plus avoir d'autres niches écologiques que cette capacité d'apprendre, quel que soit le domaine et le milieu. Le premier argument que vous avez utilisé, c'est presque un argument physique, c'est de dire que l'ADN n'a pas les capacités de stockage nécessaires pour stocker l'information dont nous disposons grâce à l'apprentissage. Oui, par exemple, mais c'est presque une évidence. Dans le domaine du langage, nous avons des langues extrêmement différentes et on pense que chacun d'entre nous a 30 000, 50 000 mots à sa disposition. C'est un stock important d'informations. Ça n'est qu'un tout petit fragment de ce que nous connaissons, bien sûr, dans le domaine des visages, des objets, des lieux. Vous avez une phrase que j'ai trouvée très belle. Vous dites « Le palais fantastique qu'est notre cerveau contient 100 000 fois plus de détails que le plan de l'architecte. » Voilà. C'est un peu ce que vous avez expliqué là. C'est le génome. Et puis le génome ne peut mettre en place que des grands principes d'auto-construction du cerveau. Il y a une auto-organisation du cerveau qui ne peut pas tout mettre en place à l'avance. C'est une des questions que l'on réfléchit beaucoup au laboratoire en ce moment. Comment est-ce que la mise en place semi-aléatoire du cerveau, parce que les connexions se font un petit peu au hasard au départ, et vous savez qu'il y a surproduction de connexions dans le cerveau, comment est-ce que ces connexions peuvent quand même donner des compétences aux enfants. Parce que ce que j'explique aussi, c'est que sur le plan à la fois d'ailleurs de l'imagerie cérébrale et de la psychologie cognitive, on sait maintenant que les bébés ont énormément de connaissances a priori sur le monde extérieur. Vous avez des gros chapitres sur les bébés, on y reviendra tout à l'heure, mais j'avais une question à propos des animaux. Est-ce qu'un ver de terre, ça apprend ? Un ver de terre apprend. Il apprend quoi ? Absolument. Le nématode apprend. Alors, il apprend des choses simples. Un des phénomènes les plus simples, c'est ce qu'on appelle l'habituation. C'est-à-dire qu'il apprend à s'habituer à la présence, par exemple, d'une espèce chimique dans son environnement, qui peut être aversive au départ, mais si elle est là en permanence, il faut bien qu'il s'y habitue. Donc, l'habituation est une première forme d'apprentissage. Mais c'est pas un acte lié à la curiosité. Il n'y a pas le désir d'apprendre. C'est plutôt une sorte d'automatisme. Le désir d'apprendre, c'est un circuit beaucoup plus élaboré. Mais il y a aussi une capacité d'association, qui est la deuxième forme d'apprentissage la plus élémentaire qui soit. Même le nématode, tout petit ver qui est tellement étudié en laboratoire, apprend, par exemple, à s'orienter dans la direction d'un gradient chimique qui va lui conduire à trouver de la nourriture. Et ça peut être différent suivant les environnements. Donc, il doit l'apprendre. Est-ce que le mot apprendre est justifié ou est-ce que c'est une sorte de projection qu'on fait sur son comportement à partir de notre propre expérience ? Moi, je pense qu'il est justifié. Apprendre, c'est comme appréhender. Ça veut dire saisir une petite parcelle de réalité dans le monde extérieur et la mettre à l'intérieur, l'internaliser. Et donc là, oui, le nématode a peut-être internalisé juste un bit d'information, mais c'est déjà le début de l'apprentissage. Dans notre cerveau, évidemment, il y a, on parle d'un million de milliards de synapses, chacune de ces synapses pouvant internaliser un ou plusieurs bits d'information, donc il y a une capacité beaucoup plus grande, évidemment. Bon, nous sommes des homo sapiens, mais en fait, vous le dites dans le livre, nous sommes surtout des homo docens, apprenants. Je pense que l'apprentissage est la caractéristique qui nous permet de devenir sapiens, c'est-à-dire connaissants. Donc nous sommes alors homo docens, ça veut dire celui qui enseigne. Mais si on enseigne, ça veut dire qu'il y a quelqu'un en face qui est capable d'apprendre. Et c'est vrai qu'il y a aussi cet aspect très particulier qui est que nous sommes la seule espèce à faire attention à ce que l'autre est capable d'apprendre. Il y a une discussion, je cite d'ailleurs dans le livre ce petit papier de Science qui suggère que les mangoustes enseignent. C'est fait l'objet d'un article dans Science parce que c'est tellement exceptionnel. Normalement, les animaux n'enseignent pas. Et là, les auteurs argumentaient que oui, les mangoustes enseignent parce qu'elles montrent à leurs petits des scorpions. Il s'agit d'apprendre à décortiquer un scorpion pour le manger. C'est assez dangereux. Et alors, les mangoustes adultes, apparemment, amènent progressivement à leurs petits des scorpions d'abord morts, puis ensuite un peu à moitié vivants, et enfin, en quelque sorte, font une sorte de progression pédagogique. Sauf qu'il n'y a absolument aucune preuve que les mangoustes, contrairement à nous, font attention à l'état d'esprit de l'apprenant. Ce qui est caractéristique de l'espèce humaine, c'est un enseignant qui réalise que l'élève ne sait pas quelque chose, qui a donc une théorie de l'esprit de l'élève, et qui va volontairement présenter des dispositifs pour changer cet état d'esprit de l'élève. Donc l'enseignant a une attention pour les connaissances déjà là ou pas là de celui qui apprend. Voilà. La théorie de l'esprit, c'est typiquement la capacité de savoir que quelqu'un ne sait pas, savoir que quelqu'un sait, et puis alors dans le sens inverse, l'élève sait que l'enseignant sait qu'il ne sait pas. Et c'est récursif. Donc ça veut dire que l'élève va interpréter certains des gestes de l'enseignant comme désirant lui enseigner quelque chose. Et il y a une sorte de boucle vertueuse qui peut se créer dans ce cas-là où l'élève apprend beaucoup plus vite. Donc toutes les attitudes de l'enseignant font sens pour l'élève. Absolument. Y compris le langage corporel. Et le langage corporel, absolument. Par exemple, le suivi du regard. Donc, il y a ce qu'on appelle l'attention partagée, qui est un phénomène tout à fait particulier, mais présent très tôt chez les petits-enfants. Lorsque vous enseignez un mot à un enfant, Vous lui dites, regarde, ça c'est un dalmatien. Eh bien, l'enfant ne regarde pas d'abord le dalmatien. Il regarde d'abord vos yeux. Son regard va se poser sur vos yeux. Et puis ensuite, il va suivre votre regard pour essayer de comprendre à quoi vous faites référence. Et cette espèce de triangle entre l'apprenant, l'enseignant et puis l'objet de référent qui est absolument clé dans l'apprentissage. Vous dites une phrase dans votre livre qui doit faire plaisir à un ministre. Vous dites « L'éducation nationale est le principal accélérateur de notre cerveau ». Oui, parce que... Vous auriez pu ajouter France Culture. Il y a France Culture, il y a toute une série de dispositifs. C'est assez étonnant quand même de voir que notre société, les sociétés humaines, toutes les sociétés humaines, je crois, ont progressivement se sont rendues compte que l'enfance était une période de plasticité particulière et qu'on pouvait à ce moment-là enrichir l'environnement des enfants et parfois de façon assez radicale. Hein, nous acceptons tous d'envoyer nos petits-enfants de 3 ans maintenant dans une institution où ils vont être coincés pendant toute la journée. On les donne à quelqu'un d'autre. Pourquoi ? Parce qu'on sait que ça va être bénéfique pour eux, qu'on va permettre de cette manière-là l'épanouissement de circuits qui sinon se flétriraient avec une période sensible qui fait qu'au-delà d'un certain âge, parfois assez bref, eh bien ils vont plus avoir la même période de plasticité. Donc on a créé des institutions, l'école en fait partie, uniquement dans le but de tirer parti de notre plasticité cérébrale. L'éducation c'est utile. D'ailleurs, vous dites, ça m'a beaucoup surpris, que la capacité de mémoire immédiate d'un analphabète est à peu près 2 fois plus faible que celle d'une personne scolarisée. Oui. Comment ça peut se mesurer, ça? C'est vraiment extrêmement simple. Ce sont des tests purement psychologiques, en l'occurrence, qui regardent si une personne est capable de répéter. Vous lui dites batifou, elle répète batifou. Vous dites batifou colapi, elle répète batifou colapi. Ben, un illettré aura beaucoup plus de mal lorsqu'on atteint 4, 5, 6 syllabes. Et vous voyez de cette manière-là que la mémoire verbale ne diminue pas avec la lecture, mais au contraire augmente avec l'apprentissage de la lecture. Alors après, vous pouvez faire de l'imagerie cérébrale, mais ça vient dans un deuxième temps. Et vous allez voir que certains faisceaux de connexion sont bien renforcés, vont plus vite chez les personnes qui ont appris à lire. Même le système visuel est amélioré par l'apprentissage de la lecture. Donc on voit de façon plus fine, on a appris à distinguer des traits. Et voilà, cette vision améliorée va se généraliser à des aspects autres que la lecture. Autre exemple que je donne dans le livre, la musique. Vous avez une figure qui est absolument extraordinaire, c'est cet enrichissement de l'épaisseur du cortex chez les enfants qui ont appris à jouer d'un instrument tôt. Voilà. Et plus on apprend tôt, plus ces modifications sont importantes. Et on voit les deux lobes frontaux importants donc pour l'attention, le contrôle de soi, la concentration, beaucoup mieux développés dans leur épaisseur corticale, sans doute parce que les dendrites des neurones sont mieux développés chez les enfants qui ont fait de la musique précocement. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Alors vous avez parlé tout à l'heure, Stanislas Dohan, de l'enseignement des sciences, le fait qu'on est capable de fabriquer des connaissances scientifiques dont on sait qu'elles sont pas toujours faciles à transmettre, celles des mathématiques ou de la physique, parce qu'elles sont abstraites, elles peuvent heurter le sens commun. Et je voulais avoir votre réaction à propos d'un petit texte de Bachelard dans la formation de l'esprit scientifique, dans lequel il dit en gros, faire des sciences modernes, c'est penser contre son cerveau. Je le cite exactement, il dit « La pensée scientifique moderne réclame qu'on résiste à la première réflexion. C'est donc tout l'usage du cerveau qui est mis en question. Désormais, le cerveau n'est plus absolument l'instrument adéquat de la pensée scientifique. Autant dire que le cerveau est l'obstacle à la pensée scientifique. Il est un obstacle en ce sens qu'il est un coordonnateur de gestes et d'appétits. Il faut penser contre le cerveau. » C'est-à-dire que faire de la science, c'est convaincre son cerveau que ses idées spontanées ne sont pas les bonnes. Non, mais je suis vraiment pas d'accord avec cette idée. Je crois que d'abord, elle est étrange parce que la pensée scientifique, bien entendu, vient du cerveau. Elle n'est pas contre le cerveau. Et d'autre part, ce que montrent les recherches actuelles, c'est au contraire, dès le plus jeune âge, le jeune enfant a une attitude scientifique. Donc, il se comporte comme un statisticien. Il fait des expériences sur le monde extérieur. On a dit au départ, il projette des hypothèses sur le monde extérieur. Et il tient compte du retour du monde extérieur, exactement comme le fait un scientifique. Donc, il est surpris lorsque ses hypothèses sont violées, et il met à jour son modèle mental, donc il apprend, lorsque cette surprise est grande. Je le dis souvent, par exemple, quand un jeune bébé, vous savez, dans sa chaise, commence à faire tomber des objets, fait tomber sa cuillère, son verre, etc. Eh bien, en fait, on sait, dans des expériences de laboratoire, que il a besoin d'apprendre la gravité, la notion que les objets tombent, n'est pas donnée pour lui. Il sait ce que c'est qu'un objet, Il sait qu'il y a un tout cohérent qui occupe une place dans l'espace et dans le temps, qui ne va pas disparaître, qui a une trajectoire. Tout ça, il le sait d'emblée, ça fait partie des connaissances innées, mais il ne sait pas exactement ce qui fait qu'un objet tombe ou ne tombe pas. Et donc ça, il doit expérimenter, et alors on le voit littéralement mettre à jour ses connaissances en fonction des entrées qu'il reçoit du monde extérieur. Et probablement, il serait capable d'apprendre un monde où d'ailleurs certains objets montent au lieu de descendre, etc. Donc, mais toutes les connaissances scientifiques ne sont pas déduites de l'observation. Par exemple, si je fais tomber des objets de masse différente, je vois qu'ils tombent à des vitesses différentes. Alors la bonne loi, c'est que dans le vide, ils tombent à la même vitesse, ce que je ne peux pas observer. En tout cas, Galilée ne pouvait pas faire le vide. C'est un exemple extrêmement intéressant, parce que ça pose la question des expériences de pensée. Voilà. En réalité, c'est une expérience de pensée qui a conduit à Galilée au départ à cette remarquable loi. Il ne l'a pas vu. Mais on peut le voir après, en faisant la bonne expérience. En faisant le vide, mais lui, ça ne savait pas le faire. Le vide, ou en s'arrangeant pour que la forme des objets soit appropriée, etc. Mais dans le cas de Galilée, oui, il a fait la pure expérience de pensée. C'est joli, d'ailleurs, je ne sais pas si les gens connaissent ça. L'idée, c'est s'il y a un objet lourd, disons une boule de bowling, et puis une boule de disons polystyrène ou de balsa très légère qui tombe en même temps, on imagine qu'est-ce qui se passerait si les deux objets étaient attachés. Alors, s'il y avait un cheveu entre les deux qui les reliait. Alors, d'une part, comme on fait un raisonnement par l'absurde, on se dit si l'objet le plus lourd tombait plus vite, il devrait entraîner la balle de balsa, la boule de bowling devrait entraîner la balle de balsa, et la balle de balsa devrait ralentir l'objet pesant. Donc les deux attachés devraient tomber moins vite. Mais il devrait aussi tomber plus vite, puisque l'ensemble est plus lourd. Donc il y a une contradiction, et la seule possibilité, c'est qu'il tombe à la même vitesse. Alors pourquoi est-ce que des expériences de pensée marchent ? C'est ça qui est remarquable. Elle marche parce que notre cerveau a internalisé les lois de la physique, et en grande partie au cours de son évolution. Nous avons des idées abstraites héritées de notre évolution. Nous avons l'idée d'un plan, par exemple. Il y a dans l'hippocampe et dans les régions para-hippocampiques, dans le cortex entorhinal du rat, il y a déjà le concept de plan, sous une forme primitive, mais il y a déjà la capacité de cartographier le monde extérieur et d'imposer, quelque part, cette idée que on va naviguer dans un espace qui est dans une large mesure plan. Voilà. Alors je milite donc pour cette vision d'un cerveau qui a déjà des idées abstraites très fortes qu'il projette sur le monde extérieur et qui les sélectionne et qui sélectionne leur combinaison en fonction de leur degré d'adéquation. Dès lors qu'il les a sélectionnés, d'où lui vient l'envie de les interroger de façon critique par des expériences de pensée? Il pourrait s'en contenter? Oui, alors il y a cette histoire de curiosité. Ça, c'est très intéressant. Comme notre cerveau a eu une plasticité inégalée jusqu'à présent, la curiosité peut être vue comme une émotion nouvelle, plutôt l'exploitation d'une émotion nouvelle qui est le goût d'apprendre. Donc notre cerveau contient des circuits particuliers qui nous donnent une petite décharge de dopamine lorsque nous apprenons quelque chose de nouveau. Nous avons envie d'apprendre. On est récompensé. Une récompense qui nous donne envie d'apprendre. Et la curiosité, c'est l'exploitation de cette récompense. On va explorer jusqu'à trouver des domaines dans lesquels on peut apprendre. Donc nous sommes curieux précisément pour les domaines dans lesquels nous apprenons quelque chose de nouveau. Alors, je suis curieux. Avant l'émission, je vous ai demandé quel morceau de musique vous souhaiteriez entendre. Et vous m'avez répondu, Gare aux Gorilles. C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille, sans souci du qu'en dira-t-on. Avec impudeur, c'est comme mère lorgnait même un endroit précis que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Gare aux Gorilles. Tout à coup la prison bien close où vivait le bel animal s'ouvrant, de c'est pourquoi je suppose qu'on avait dû la fermer mal. Le singe en sortant de sa cage dit c'est aujourd'hui que je le perds. Il parlait de son pucelage, vous aviez deviné j'espère. Gare aux Gorilles. Patron de la ménagerie, grille t'es perdu, nom de nom, c'est assommant car le gorille n'a jamais connu de guenon. Dès que la féminine engeance sut que le singe était puceau, au lieu de profiter de la chance, elle fife des deux fuseaux. Gare aux Gorilles. Celle-là même qui naguère le couvait d'un œil décidé, fut y reprouvant qu'elle n'avait guère de la suite dans les idées. D'autant plus vaine était leur crainte que le gorille est un luron, supérieur à l'homme dans l'étreinte. Bien des femmes vous le diront. Gare aux Gorilles. Tout le monde se précipite, hors d'atteinte du saint Jean Rut, sauf une vieille décrépite et un jeune juge en bois brut. Voyant que tout se dérobe, le quadruman accéléra, s'endandinement vers les robes de la vieille et du magistrat. Garogorille, bas soupirait la centenaire, qu'on pût encore me désirer, ce serait extraordinaire et pour tout dire inespéré. Le juge pensait impassible qu'on me prenne pour une guenon. C'est complètement impossible, la suite lui prouva que non. Garogorille, supposez qu'un de vous puisse être comme le singe obligé de violer un juge ou une ancêtre. Lequel choisirait-il des deux? Qu'une alternative pareille, un de ces quatre jours mes choix. C'est, j'en suis convaincu, la vieille qui sera l'objet de mon choix. Garogorille, mais par malheur, si le gorille au jeu de l'amour vaut son prix, on sait qu'en revanche il ne brille ni par le goût ni par l'esprit. Lors, au lieu d'opter pour la vieille, comme aurait fait n'importe qui, il saisit le juge à l'oreille et l'entraîna dans un maquis. Garogorille, la suite serait délectable, malheureusement je ne peux pas la dire et c'est regrettable, ça nous aurait fait rire un peu. Car le juge au moment suprême criait maman, pleurait beaucoup, comme l'homme auquel le jour même il avait fait trancher le cou. Garogorille. Stanislas Dehaene, vous avez choisi donc cette chanson bien connue de Brassens. Il y a sûrement une raison. Garogorille. Même plusieurs. D'abord parce que Brassens, c'est quelqu'un que nous devrions entendre plus souvent, qui nous donne du cœur, mais aussi parce que le gorille, c'est devenu une expérience extrêmement connue de la psychologie. Vous savez, ce gorille invisible qui traverse l'écran dans un film, mais que les gens ne voient pas. Et pourquoi ils ne voient pas le gorille? Parce qu'ils sont distraits par une autre tâche, ils sont en train de faire attention sur l'écran, aux personnages qui sont habillés en blanc et pas aux personnages qui sont habillés en noir. Donc c'est devenu une expérience un peu emblématique d'un facteur extrêmement important pour l'apprentissage qui est l'attention. L'attention peut complètement mobiliser nos réseaux cérébraux si on focalise notre attention, ou bien au contraire, elle va nous rendre aveugles à certains aspects. Partiellement aveugles. Et philosophiquement, c'est intéressant d'ailleurs. Nous croyons voir le monde extérieur, mais en réalité, nous sommes la plupart du temps aveugles à énormément de propriétés du monde extérieur. Il y a depuis eu d'autres films, vous savez, il y a des films par exemple où on voit, il y a une propriété qui change sur l'écran, par exemple la couleur d'un rideau de théâtre change complètement. Ça occupe une fraction énorme de notre rétine, mais on ne le voit pas parce qu'on n'y prête pas attention. Alors, dans le cas de l'apprentissage, c'est clé, parce que ça veut dire que pour que quelqu'un apprenne quelque chose, il faut qu'on arrive à orienter son attention. Il faut apprendre à se concentrer, à focaliser son attention, à ne pas se laisser distraire. Ça veut dire aussi que l'environnement doit permettre cette concentration. Et ça va jusqu'à des recherches extrêmement empiriques, que je cite dans le livre, qui montrent que, par exemple, des classes qui sont trop décorées distraient les enfants et les empêchent de se concentrer. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un problème avec le fait que notre attention est sollicitée de multiples façons, par les biais technologiques notamment, ce qui pourrait rendre l'apprentissage plus difficile? Bien sûr, et ça veut dire que c'est d'autant plus important d'apprendre à se concentrer. Il faut comprendre que l'attention est associée à un certain nombre de circuits dans notre cerveau, et ces circuits, comme tous les autres, sont en partie plastiques. Donc l'attention peut être apprise et il y a un certain nombre de logiciels éducatifs, par exemple, qui apprennent à l'enfant à se concentrer, à éviter les distractions. Alors qu'est-ce que ça veut dire apprendre finalement? Parce que dans votre livre, vous répondez à la question en plus de 60 pages, avec plusieurs chapitres qui portent des titres différents. Apprendre, c'est par exemple exploiter le potentiel de la combinatoire. C'est apprendre à minimiser ses erreurs. Il y a toute une liste comme ça de définitions. Parce que ça veut dire qu'il y a plusieurs gradations dans l'apprentissage. Et que l'espèce humaine, j'essaie d'expliquer, a vraiment un certain nombre d'algorithmes d'apprentissage qui sont tout à fait particuliers. Mon argument, c'est aussi que même si l'intelligence artificielle a fait beaucoup de progrès, pour l'instant, en tout cas, elle n'a pas réussi à découvrir toutes ces propriétés qui font du cerveau humain un dispositif jusqu'à présent complètement inégalé. Donc l'homme apprend mieux que les réseaux de neurones des machines artificielles. Et oui, de plusieurs manières. D'abord, il y a une économie de la donnée. Vous savez, c'est d'ailleurs, à mon avis, une erreur contemporaine. On confond intelligence artificielle et big data, le fait d'avoir beaucoup de données. Pourquoi ? Parce que les réseaux de neurones artificiels qu'on simule sur ordinateur, ils ont vraiment besoin d'énormément de données. Sinon pas des millions de données à dévorer, ils n'apprennent pas grand-chose. Eh bien, le cerveau humain est bien meilleur, il a besoin de beaucoup moins de données, par exemple pour apprendre une langue, que ce qui est disponible. Il n'a pas besoin de voir 5 milliards de chats pour reconnaître un chat. Exactement. Et ça veut dire que quelque part, il a déjà plus d'informations en interne. Et puis, il est plus efficace, il arrive à absorber ces données. On parle dans notre domaine de ce qu'on appelle le cerveau bayésien ou le cerveau statisticien, l'algorithme de Bayes. Il y a plusieurs algorithmes derrière cette loi, cette règle mathématique de Bayes. Cet algorithme est une manière de tirer le maximum d'informations de chaque rencontre avec un événement dans le monde extérieur. Alors, il y a des expériences qui montrent que le bébé est effectivement capable de faire des rayonnements bayésiens ou statisticiens. Par exemple, vous savez, la probabilité classique, on vous donne une urne et vous devez en déduire quelles observations vous allez pouvoir faire, quelle est la probabilité de tirer deux boules noires, etc. Mais il y a l'inférence inverse. Si vous voyez quelqu'un tirer des boules noires d'une urne, il est probable que l'urne contient une majorité de boules noires. Eh bien, le bébé, dès quelques mois de vie, est déjà capable de faire ce type d'inférence. Il passe des observations à la règle générale. Et donc, il peut être surpris si la règle générale est bafouée par un nouvel événement. Alors voilà, et la surprise que l'on mesure en laboratoire, en regardant... Comment on mesure la surprise d'un bébé ? C'est assez facile, ça. D'abord, il y a un faciès particulier, évidemment. Mais surtout, on regarde les yeux. Et les yeux s'écarquillent et se posent plus longtemps. Donc la simple mesure de la durée du regard est une excellente mesure de la surprise de l'enfant. Et alors, la découverte intéressante, c'est que la surprise est exactement liée à l'improbabilité. 1 moins la probabilité. Ça veut dire que... C'est la définition classique de l'information, en fait. Exactement. Et en fait, on voit que l'enfant, lorsqu'il est surpris, acquiert plus d'informations. Il passe plus de temps et il apprend. Donc, lorsqu'il est surpris, il apprend. Et si on transfère ça à l'adulte ou à l'adolescent, à l'école ou au collège ou au lycée, ça veut dire que pour que la pédagogie soit efficace, il faut le surprendre. En tout cas, le rôle des paradoxes, peut-être. Oui, les paradoxes ou les objets aussi matériels qui ont un comportement surprenant. Vous savez, les culbutos qui tiennent alors qu'on a l'impression qu'ils ne devraient pas, ou la roue de vélo qui a un effet gyroscopique et qui résiste. Et ça, ce sont des expériences absolument fascinantes. Et là encore, dans le livre, j'essaye vraiment d'aller des principes jusqu'à certaines applications. Il y a des expériences en salle de classe qui montrent que lorsqu'on essaye d'apprendre les principes de moment cinétique, par exemple, aux enfants en physique, eh bien, 5 minutes d'expérience avec une roue de vélo est très bénéfique pour l'apprentissage du concept. Ça ne m'étonne pas beaucoup. Dans votre livre, Stanislas Dehaene, vous citez Jean-Pierre Changeux qui, dans L'homme neuronal, écrit « Apprendre, c'est éliminer ». Comment est-ce que ça renvoie aux probabilités que vous évoquiez tout à l'heure ? Ça renvoie à cette idée que... à tous les niveaux, sur le plan biologique comme sur le plan cognitif, il y a surproduction initiale et un espace donc d'hypothèses qui est gigantesque, qui existe au départ, parmi lequel il faut sélectionner les idées qui sont appropriées. Et donc c'est un algorithme qui produit des hypothèses et qui les sélectionne. Mais c'est vrai aussi au niveau biologique, c'est ça que voulait dire Jean-Pierre Changeux aussi, c'est on surproduit des synapses. L'enfant, dans les premières années de la vie, va avoir jusqu'à 2 fois plus de synapses que l'adulte, et il va sélectionner celles qui sont les plus appropriées en fonction des entrées qu'il reçoit. Dans l'un de vos chapitres qui s'intitule « Pourquoi notre cerveau apprend mieux que les machines ?», vous rappelez une petite histoire de Sherlock Holmes, qu'on appelle... Le curieux incident du chien pendant la nuit. Voilà. Alors, si vous voulez bien, je vais lire le dialogue. Allez-y. C'est le dialogue entre l'inspecteur Gregory de Scotland Yard qui demande à Sherlock Holmes « Y a-t-il quelque autre point sur lequel vous désireriez attirer mon attention ?» Sherlock Holmes répond « Le curieux incident du chien pendant cette nuit-là. » « Mais, répond l'inspecteur, mais le chien n'a rien fait cette nuit-là. » Sherlock Holmes « C'est justement ce qu'il y a de curieux. » Oui, j'adore cet exemple. En quoi ça a à voir avec l'apprentissage ? Eh bien, parce que c'est un raisonnement, et apprendre, de mon point de vue, c'est raisonner comme un détective. Je dis souvent d'ailleurs que il faut être un peu comme un Sherlock Holmes dans l'apprentissage. On a des hypothèses en nombre important et on essaye d'éliminer et de jusqu'à ce qu'on arrive à la seule qui reste, qui doit être celle qui est vraie. C'est exactement ce que dit Sherlock Holmes. Et donc là, il est capable de faire un raisonnement sur l'absurde, donc quelque chose qui n'a pas été observé. Voilà. Eh bien, les enfants font déjà ce type de raisonnement. Si ça n'était pas A, alors c'est B. Il y a un article de Science tout à fait récent d'un de nos amis, Luca Bonatti, qui montre que les enfants sont capables de dire ah, c'est soit A, soit B. Ce n'est pas A, donc c'est B. À quelques mois de vie, hein. Quelques mois de vie. Vous voyez, c'est cette capacité de logique et de statistique, parce que c'est fait aussi avec des probabilités, il est probable que ce ne soit pas A, alors ça doit être, probablement être B, eh bien c'est quelque chose qui est profondément inscrit dans notre cerveau, c'est pas des années d'apprentissage. Il est important de le dire aussi parce que ça remet en question beaucoup de théories sur ce que c'est réellement que le processus de développement de l'enfant. Ça n'est pas vrai qu'il faut attendre 7 ans, 8 ans, 9 ans pour que l'enfant commence à avoir des capacités logiques. Il a une proto-logique approximative, mais déjà fondée sur des probabilités et un sens du raisonnement dès les premiers mois de vie. On sent chez vous beaucoup d'optimisme, Tanis Adohan, sur les potentialités pas toujours utilisées du cerveau. Ben oui, et vous citez d'ailleurs Platon dans La République qui écrit « Au-dedans de son âme, chacun possède la puissance du savoir, ainsi que l'organe au moyen duquel chacun acquiert l'instruction ». Brillante intuition de Platon. Vous êtes d'accord avec lui ? Nous avons tous le même cerveau. Nous avons un cerveau qui a en lui, à la naissance, le potentiel d'apprendre tout ce que l'humanité a jamais appris. Il faut voir ça comme ça. Et c'est vrai qu'on soit né en banlieue, qu'on soit né à Bagdad, partout. Un cerveau qui est capable d'apprendre n'importe quelle langue, par exemple. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, quand je vais dans un pays étranger, je vois un tout petit enfant de 2 ans et demi ou 3 ans commencer à parler chinois. C'est merveilleux. On se dit, mais moi, je ne suis pas capable de faire ça, mais le cerveau de l'enfant, lui, il a cette potentialité. Non, moi, et je pense que les gens qui parlent une langue que je ne connais pas sont des génies. Voilà, mais c'est pareil pour, je ne sais pas, l'apprentissage de la théorie de Newton. Je suis toujours très impressionné de penser qu'aujourd'hui, il y a des millions d'enfants sur la planète, ou d'adolescents, qui maîtrisent ce qui, il y a quelques siècles, seul Newton était capable de concevoir. Ça fait partie du potentiel de représentation de notre cerveau, la théorie de la gravitation et de l'accélération. Le père de l'informatique, Alan Turing, auquel France Culture a consacré une série, dit ceci, il est vraisemblable que le cerveau de l'enfant soit comme un cahier qu'on vient d'acheter chez le papetier, guerre de mécanismes, beaucoup de pages vierges. Vous n'êtes pas d'accord? Tout faux. Tout faux. Pourtant, j'adore Turing. Je pense que c'est vraiment l'un des plus grands esprits du XXe siècle. Et le premier qui a vu qu'on allait pouvoir avoir des machines qui apprennent. Il a énormément de discussions extrêmement intéressantes sur ce sujet. Il explique que bien qu'on conçoive une machine, on ne peut pas prédire à l'avance tout ce qu'elle fera parce qu'elle se modifiera elle-même. Donc, il avait vu tout ça. Mais il a effectivement sous-estimé la quantité de structures qui étaient présentes dans notre propre cerveau, qui est le résultat d'une très très longue évolution. Et lorsque l'évolution trouve avantage à inscrire en dur dans le cerveau un certain nombre de connaissances qui seront invariables, eh bien elle le fait. Donc pour prendre un autre exemple dont on n'a pas encore discuté, l'évolution a inscrit dans notre cerveau la différence entre les personnes et les objets. Voilà. Et très tôt, nous faisons le tri entre des objets qui sont soumis aux lois de la physique et des personnes, des êtres animés, qui, eux, sont soumis aux lois de la psychologie, c'est-à-dire qui ont des buts, des intentions, des croyances, et qui agissent en interne, qui sont autopropulsés, contrairement aux objets, et qui agissent en fonction de leurs buts et de leurs croyances. Alors donc, si je comprends bien, vous seriez beaucoup plus d'accord avec Bachelard, que vous citez également. Vous n'étiez pas d'accord tout à l'heure, mais là, je vais citer cette phrase qu'on trouve dans La philosophie du nom. Il dit « L'enfant naît avec un cerveau inachevé, et non pas, comme le postulat de l'ancienne pédagogie l'affirmait, avec un cerveau inoccupé. » Absolument. Il est très occupé. Le cerveau est très occupé, très structuré. Et le même pour tous. Alors, on le voit de beaucoup de manières. Le même pour tous, en première approximation. C'est-à-dire, il y a une enveloppe de l'espèce humaine. Et à l'intérieur de cette enveloppe, évidemment, il peut y avoir des petites variations. Donc, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de différence, par exemple, d'intelligence, de QI, où il y a effectivement des enfants qui ont des troubles de type dyslexie, dyscalculie, qui peuvent en partie s'expliquer par la désorganisation de leur cerveau. Mais ce sont des effets à la marge, à l'intérieur d'une enveloppe qui est tout à fait particulière à l'ensemble de l'espèce humaine. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Est-ce qu'un cerveau, ça se recycle? Stanislas Dehaene. Alors, quel sens faut-il donner à ce mot? Le terme recyclage neuronal, c'est un terme que j'ai introduit pour rendre compte de cette capacité que nous avons d'apprendre dans des domaines où ça n'était absolument pas anticipé par l'évolution. On a parlé de l'apprentissage de la physique, bon, mais on peut parler aussi de l'apprentissage de la lecture, par exemple. C'est la première fois que j'ai utilisé ce terme de recyclage neuronal. Rien dans notre évolution ne nous a préparé à recevoir du langage par la modalité visuelle, c'est-à-dire par des lettres. Voilà, c'est une invention. Néanmoins, notre cerveau est capable de l'apprendre parce qu'il recycle des circuits qui existaient déjà, qui permettent d'internaliser cette connaissance des lettres et des sons. Donc, nous avons fait beaucoup d'expériences là-dessus, qui montrent par exemple que dans le cerveau d'un analphabète, bon, il y a un circuit qui répond au visage et aux objets, et que lorsque cette personne apprend à lire, ou si elle avait appris à lire, eh bien, ce même circuit serait maintenant spécialisé pour les lettres, et alors les visages, eux, doivent se déplacer dans une autre région du cerveau. Donc, il y a une sorte de compétition corticale. Spatiale. Spatiale, littéralement, parce que le nombre de neurones est essentiel fixe à partir de la naissance, même un petit peu avant. Et ces neurones, s'ils s'orientent et se spécialisent pour la lecture, eh bien, ils vont pas en même temps pouvoir conserver la capacité de reconnaître les objets. Mais est-ce qu'on peut avoir un cerveau qui se serait spécialisé en tout? En musique, en calcul, en lecture, s'il y a cette compétition entre les places? C'est une question intéressante. De toute façon, le temps d'apprentissage est aussi limité, bien entendu. Donc, on peut pas être un prodige du violon et en même temps avoir toutes les compétences pour tous les instruments de musique, etc. Non, il faut faire des choix. Mais il y a aussi cette capacité de généralisation qui est importante de conserver. Donc, lorsque vous pratiquez un instrument de musique, par exemple, eh bien, vous entraînez des circuits spécialisés, mais vous entraînez aussi des circuits génériques de concentration, d'attention, de mémoire, qui vont ensuite bénéficier à d'autres apprentissages. Donc je crois que ce qu'on recherche beaucoup dans la pédagogie, c'est bien sûr l'épanouissement de l'enfant dans des domaines d'intérêt pour lui, mais aussi l'augmentation ou la préservation du potentiel du cerveau la plus large possible dans des domaines qui vont bénéficier de façon très large à la cognition de l'enfant. Mais est-ce qu'on peut apprendre par le corps? C'est-à-dire sans professeur, mais par la pratique d'un exercice physique, oui, football, ben, vélo, n'importe lequel. Mais est-ce qu'il y a un apprentissage, des connaissances qui sont transférées au cerveau par cette pratique? Il faut penser qu'à chaque fois qu'il y a un geste, ça veut dire qu'il y a une représentation mentale de ce geste. Et donc, l'organe qui apprend, c'est le cerveau dans tous ces domaines. Lorsque nous pratiquons un mouvement, il y a une toute petite part de modification qui est liée aux muscles, mais il y a une énorme part qui est liée au contrôle cérébral, moteur et prémoteur, et dans toute une hiérarchie d'aires cérébrales qui vont jusqu'au cortex préfrontal, qui doivent se modifier. Et donc oui, par exemple, les expériences montrent que, là encore, faire des expériences de pensée, répéter le geste dans sa tête, tous les musiciens le savent. Vous êtes assis dans un compartiment de train, mais vous êtes en train de pratiquer votre instrument mentalement. Et c'est bénéfique. Voilà, l'expérience montre que vous pouvez... Ou les skieurs, par exemple, voient la descente qu'ils vont faire défiler dans leur tête avant de se lancer. Oui, absolument. Et s'entraînent mentalement. Ou le plongeur qui va réaliser un plongeon extrêmement acrobatique s'entraîne mentalement. Et en fait, c'est exactement ce que fait notre cerveau pendant la nuit. Pendant la nuit, déconnecté du monde extérieur, notre cerveau répète mentalement un certain nombre de schémas, dont certains deviennent des rêves. C'est une forme d'entraînement mental. Une partie du cerveau entraîne une autre. Alors, vous parliez de la musique, de l'apprentissage de la musique, de ses effets bénéfiques sur le cerveau, certaines parties en tout cas. C'est l'occasion d'écouter le deuxième morceau que vous avez choisi, qui s'intitule « Variations sur des thèmes russes et écossais ». Stanislas Dehaene, ce choix, d'où vient-il? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre cerveau au moment où vous avez proposé ce titre? C'est un morceau qui nous montre bien la structure musicale, et c'est surtout un très grand violoncelliste, Raoul Jenkins, qui est peut-être au sommet de son art dans ce morceau. J'ai voulu le choisir pour rappeler à quel point la musique, c'est du plaisir, bien sûr, pour l'auditeur et pour celui qui joue, mais c'est aussi un travail avec une rigueur et jusqu'à arriver à une forme de perfection. C'est cette rigueur, ce sens de l'effort sont des choses très intéressantes, évidemment, en pédagogie. On ne peut pas, c'est simple de le rappeler, mais on ne peut pas arriver à une certaine compétence directement. On a parfois une approche bienveillante de l'école. Bien sûr qu'il faut que l'école soit bienveillante. Mais pour que le cerveau atteigne cette forme de perfection qu'on a entendue dans ce morceau, eh bien, il y a une répétition régulière suivie de périodes de sommeil. C'est la seule manière que le cerveau... et à sa disposition pour atteindre une telle compétence. Stanislas Dehaene, on parle souvent, on connaît bien les sept piliers de la sagesse, mais vous parlez des quatre piliers de l'apprentissage. Est-ce qu'il est possible de les résumer? Vous avez été très souvent interrogé là-dessus, donc... Oui, et puis à la fin, il faudra lire le livre pour voir tous les détails, mais très rapidement, attention, qui mobilise les ressources du cerveau, engagement actif, qui fait que l'enfant est en train de générer des hypothèses, ou l'apprenant est en train de générer des hypothèses, retour sur erreur, qui permet de corriger le modèle interne, en apprenant où il était juste, où il était faux, et puis enfin, consolidation, répétition des apprentissages, avec le rôle du sommeil, de l'alternance veille-sommeil, qui permet de transférer les apprentissages progressivement dans un compartiment non conscient, automatisé. Vous dites notamment que notre cerveau n'est attiré ni par les choses déjà connues, ni par celles trop complexes. Voilà. Donc ça veut dire qu'il doit y avoir une sorte d'adaptation d'impédance entre ce que dit le professeur et ce que savent les élèves. Oui, ça soulève aussi la question de la métacognition, c'est-à-dire notre cerveau se modélise lui-même, et la curiosité, donc c'est le résultat d'un calcul assez complexe du cerveau. D'investissement, on décide s'il s'investit dans l'acquisition ou pas. Est-ce que ça vaut la peine de s'orienter vers tel ou tel domaine, sachant que j'ai une certaine probabilité d'apprendre quelque chose de nouveau. Alors on va voir l'enfant, par exemple, s'orienter vers un jouet nouveau, et puis au bout de 30 secondes s'en désintéresser parce qu'il ne comprend pas qu'il y a quelque chose à apprendre. Voilà. Ou au contraire, l'enfant maintenir son effort parce qu'il sait, il a appris par expérience, que dans ce domaine particulier, il pourra apprendre. Il y a des expériences assez belles où on montre par exemple un objet qui a plusieurs propriétés, et lorsque l'enfant explore, il va spontanément découvrir, mettons, 3 propriétés sur 4. Mais si quelqu'un lui fait la démonstration d'une des propriétés, un enseignant lui dit « Regarde, c'est mon jouet, il fait ça », eh bien l'enfant cesse d'explorer, parce qu'il fait confiance à l'adulte et il pense que toutes les propriétés appropriées ont été démontrées, qu'il n'y a pas d'autre chose à découvrir. Donc le fait de savoir qu'on ne sait pas, cette envie d'explorer, joue un rôle très important. Il faut à la fois enseigner un certain nombre de choses explicitement à l'enfant, mais en même temps lui donner l'envie d'en découvrir plus. Mais l'envie en elle-même ne suffit pas. Vous dites assez longuement d'ailleurs que on observe, c'est presque un résultat scientifique, un échec des pédagogies de la découverte. Il y a de grandes méta-analyses, effectivement, sur ce sujet. Il faut bien s'entendre sur ce qu'on appelle pédagogie de la découverte. On veut encourager la curiosité, mais ces pédagogies de la découverte ont tendance à laisser l'enfant libre de tous ses choix dans un grand domaine. C'est Rousseau avec l'Émile. Oui, c'est Rousseau avec l'Émile, absolument. Mais c'est aussi, par exemple, l'histoire du langage logo. On crée un langage informatique pour les enfants, mais au lieu de l'enseigner, on dit non, il suffit que l'enfant ait un ordinateur, et puis il va jouer avec ce langage informatique, et il va devenir un digital native. Eh bien, l'expérience montre que ça n'est pas le cas. Ça ne marche pas. Bah d'ailleurs, dans le livre, vous racontez votre propre expérience. À 15 ans, vous acquérez un ordinateur. Ah oui, j'ai eu la chance d'avoir des tout premiers ordinateurs personnels plutôt. À l'époque, c'était un ordinateur de la marque Tandy, mais c'était un tout petit peu avant l'arrivée d'Apple, qui a vraiment diffusé ses connaissances informatiques. Mais donc, on avait un ordinateur à la maison, mais j'ai appris sur le tas, en quelque sorte. Sans professeur. Sans professeur, avec quand même pas mal de livres. J'étais je voyais bien qu'il y avait un grand domaine et qu'il y avait tant de choses à apprendre. Mais quand j'ai découvert ensuite, je peux recommander ces livres de Donald Knuth sur l'algorithmique et la manière dont on peut avoir une rigueur extraordinaire en informatique, je me suis rendu compte de tout ce qui m'avait échappé et qui aurait dû m'être enseigné. Vous parlez dans le livre assez longuement du statut de l'erreur. Et vous citez l'exemple de Grothendieck, grand mathématicien, génie même des mathématiques, dont les travaux continuent d'être analysés et discutés. Et lui a fait une erreur quand il était adolescent, même très jeune en fait, enfant. C'est un épisode de Récolte et semailles, qui était le grand livre de mémoire d'Alexandre Grothendieck. Et effectivement, Grothendieck rappelle ce que beaucoup d'entre nous, je pense, avons en tête, c'est-à-dire qu'on jouait avec des compas. Avec un compas, on peut faire une rosace. Et donc, quand on fait une rosace, on s'aperçoit qu'en reportant 6 fois le compas sur le périmètre d'un cercle, on retourne au point de départ. Et alors, Grothendieck dit cette chose magnifique. Il avait apparemment 12 ans ou 13 ans. Et il dit, j'avais conclu que pi valait 3. Parce qu'il fallait appliquer 6 fois le compas. Donc, il y avait 3, le périmètre valait 3 fois le diamètre. Et c'est une erreur extraordinaire. Alors non seulement il le dit, mais il dit je m'accrochais à mon erreur, c'est-à-dire que quand je voyais que d'autres disaient pi vaut 3,14 et c'est un nombre très complexe, très compliqué, non, moi je pensais vraiment que j'avais raison et que eux avaient tort. Et je trouve ça assez magnifique. Il a raison. Il faut lire sa conclusion. D'ailleurs, il dit beaucoup verront dans l'expérience que je rapporte ici l'exemple d'une présomption enfantine qui a dû s'incliner devant le savoir reçu, les faits faisant enfin éclater un certain ridicule. Tel que j'ai vécu cet épisode, il n'y avait pourtant nullement le sentiment d'une déconvenue, d'un ridicule, mais bien celle d'une nouvelle découverte, celle d'une erreur. Exactement. Et nous ne prenons que de nos erreurs. Et si on est capable de décomplexer l'erreur, comme le fait Grothendieck ici, après tout, c'est le plus grand mathématicien du XXe siècle, peut-être, et il dit, à 12 ans, je ne connaissais pas la valeur de pi. Ça n'est pas un problème, c'est une source de progrès. Notre cerveau, en fait, on est en train de le découvrir, échange des messages d'erreur en permanence. Lorsqu'il a appris quelque chose, lorsqu'il sait prédire un aspect du monde extérieur, en fait, il le néglige. C'est pour ça que nous devenons inconscients, par exemple, du bruit d'un ventilateur dans une pièce. Dès que le bruit devient prédictible, on l'oublie totalement. Et donc, notre cerveau échange des messages d'erreur. C'est la condition nécessaire à son apprentissage. Donc, le fait de commettre une erreur, c'est pas du tout l'équivalent d'une faute morale. On ne peut pas reprocher à un élève de ne pas savoir d'emblée, puisque justement, il est là pour apprendre. Bien sûr. Et pourtant, il faut être conscient que l'élève risque, lui, d'internaliser cette erreur comme une faute, si on ne fait pas attention. Donc, lorsqu'il le soit une mauvaise note, par exemple. Ce que j'explique dans le livre, c'est qu'il y a vraiment 2 circuits dans le cerveau qui apprennent en permanence. Le circuit qui va essayer d'apprendre à lire, par exemple. Et puis, le méta-circuit, ce circuit métacognitif, qui apprend les compétences de l'enfant. Nous devons tous apprendre, par exemple, je sais que je ne parle pas chinois, ça fait partie de mon répertoire de connaissances sur moi-même. Et donc un enfant qui reçoit une mauvaise note, il peut tout à fait apprendre qu'il n'est pas capable dans ce domaine, il peut tirer la mauvaise conclusion. En réalité, tous les enfants sont capables d'apprendre, mais encore faut-il qu'ils aient la patience, l'effort et le goût de persévérer et de supporter donc qu'au départ on fait des erreurs. Ce qui demande de la part des professeurs une grande patience. Là, on peut encore citer Bachelard dans la formation de l'esprit scientifique qui dit « J'ai souvent été frappé du fait que les professeurs de sciences, plus encore que les autres, ne comprennent pas qu'on ne comprenne pas. » Évidemment. Et c'est pour ça aussi que nous devons faire des sciences cognitives. Nous devons modéliser, et il faudrait que les enseignants aient un bon modèle de ce que c'est que d'être un enfant, de ne pas avoir ces représentations identiques à celles de l'adulte. C'est difficile, par exemple, pour les enseignants, parfois, de comprendre que la lecture, ça n'est pas, au départ, une activité automatique. Elle demande, au départ, un effort. Ça conduit, je dis franchement, au début du XXe siècle, des psychologues à faire l'erreur de penser qu'il y avait une lecture globale, parce qu'on pose ses yeux sur un mot et, immédiatement, l'identité de ce mot nous apparaît. Ça, c'est vrai de l'adulte, ça n'est pas du tout vrai du débutant. Et il faudrait systématiquement arriver à se remettre dans la peau d'un débutant qui ne comprend pas ce que c'est qu'un nombre complexe, qui ne comprend pas la gravitation. Voilà. Essayons de nous souvenir de la manière dont nous concevions le monde lorsque nous étions enfants, nous n'avions pas tous ces concepts de haut niveau. Est-ce qu'on peut faire des découvertes en dormant? C'est le titre d'un des chapitres de votre livre. Et à ce propos, vous citez une phrase de Philip Stark, le designer, qui dit ceci: quand je vais me coucher, je dis à ma femme, bon, je vais au boulot. est-ce que c'est possible d'avoir des idées en dormant? Des nouvelles idées? Si vous posez on a la question... l'expérience d'avoir résolu pendant la nuit un problème de mathématiques sur lequel on butait la veille au soir et découvrir au matin la solution, mais c'est quand même assez rare. C'est rare chez les scientifiques, mais quand même tout le monde vous le dira. Ce qui est vrai pour les scientifiques est vrai encore plus pour le cerveau en développement et le cerveau des jeunes enfants. Donc il y a maintenant des expériences, également chez l'adulte, qui montrent que oui, le cerveau fait des découvertes en dormant. Donc d'abord, première chose qu'il fait pendant la nuit, c'est de répéter les informations de la veille. Et il va les répéter plusieurs dizaines de fois, à vitesse beaucoup plus rapide que pendant la journée. Donc on voit les décharges neuronales, littéralement, chez la souris par exemple, créer des trajectoires, mais des trajectoires ultra rapides. Là où ça prenait plusieurs secondes à l'animal pour se promener dans son environnement, ça lui prend maintenant quelques millisecondes, quelques dizaines de millisecondes dans son cerveau qui dort. Et alors, probablement, d'une manière qui n'est pas encore totalement bien comprise, mais probablement en rejouant plusieurs fois ces informations, le cerveau finit par y découvrir des régularités nouvelles. Ces informations nourrissent d'autres circuits cérébraux qui font des découvertes. Et l'enfant se réveille, par exemple, avec une connaissance plus approfondie du sens des mots. Pendant la veille, il a appris le mot dans tel et tel contexte très particulier. En se réveillant le lendemain, il généralise à des contextes plus larges qui reflètent mieux le sens global du mot. Est-ce que ça veut dire que j'ai le droit de dire que le sommeil, du coup, est une sorte d'expérience de pensée ou une expérience de la pensée? C'est exactement la manière dont on le conçoit maintenant. Il y a d'ailleurs des algorithmes d'intelligence artificielle qui font une alternance de veille et de sommeil. Pendant le sommeil, on projette un modèle et on l'utilise pour entraîner d'autres réseaux de neurones. Voilà. Et quelque part, d'une certaine manière aussi, on rend les données donc plus cohérentes à l'intérieur du même cerveau. Mais il faut concevoir que le cerveau, c'est pas un organe, c'est une collection d'organes et certains peuvent entraîner les autres. Ce qui a été appris dans l'un peut être transféré à d'autres. Merci Stanislas Dehaene d'être venu nous éclairer, c'est passionnant. Je laisse le lecteur de votre livre découvrir les 13 maximes de l'apprentissage que vous indiqué à la fin de votre ouvrage qui s'appelle « Apprendre » avec un point d'exclamation. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Cédric Châtelus et à la réalisation Thomas Jost.